Merci d'écouter la plus normande des radios. Bienvenue à bord les amis. Il est tout pile 18h en plein cœur de l'agglomération rouennaise. Comme partout en Normandie, on fait un point sur l'actu. L'essentiel de l'actualité. Bonsoir à tous. L'Élysée ne dispose d'aucune information sur l'utilisation par Alexandre Benalla des passeports diplomatiques qu'il avait obtenus dans le cadre de ses fonctions à la présidence et avait demandé au Quai d'Orsay d'en obtenir la restitution dès le licenciement de l'ex-chargé de mission, a annoncé l'Élysée aujourd'hui. Selon Mediapart, Alexandre Benalla a continué à voyager avec au moins l'un de ses deux passeports diplomatiques. Devant la commission d'enquête du Sénat, il avait pourtant assuré avoir laissé ses documents dans son bureau de l'Élysée. Le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a décidé de saisir la justice. Le début des soldes d'hiver est maintenu au 9 janvier, a annoncé aujourd'hui la secrétaire d'État à l'économie Agnès Pannier-Runacher, précisant qu'une majorité de fédérations de commerçants consultées étaient contre l'avancement de la date prévue. Le gouvernement avait annoncé avoir lancé une consultation des associations des commerces indépendants pour connaître leur point de vue. Certaines unions de commerçants souhaitaient avancer d'une semaine les soldes d'hiver, notamment pour tenter de compenser les pertes liées au mouvement des Gilets jaunes. L'inspection générale de la police nationale a ouvert 48 enquêtes sur des soupçons de violence policière depuis le 17 novembre 2018, début de la mobilisation des Gilets jaunes. De nombreux manifestants ont été blessés par des tirs de flashball ou des grenades lacrymogènes pendant les différentes journées de manifestation. Des scènes de passage à tabac ont également été filmées et diffusées sur les réseaux sociaux. Après la paralysie de l'administration, Donald Trump poursuit sa stratégie du bras de fer. Le président américain a menacé aujourd'hui de fermer la frontière entre les États-Unis et le Mexique si les démocrates du Congrès n'acceptent pas de financer la construction d'un mur censé empêcher l'immigration illégale. Le Honduras, le Guatemala et le Salvador ne font rien d'autre pour les États-Unis que prendre notre argent, a-t-il également lancé. Enfin, deux succès lui auraient suffi pour passer le record, mais le jockey Christophe Lemaire a ajouté à la cible le panache en remportant 4 succès aujourd'hui sur l'hippodrome nippon de Nakayama. Avec un total de 215 succès, il devient donc le jockey le plus titré lors d'une même saison. À 39 ans, Christophe Lemaire atteint donc un nouvel objectif dans une carrière déjà bien riche dans laquelle il manque une seule ligne importante, une victoire dans le prix de l'Arc de Triomphe. Sur la plus normande des radios, Matt. Vous êtes au top de l'actu, prochain rencard à partir de 18h30. Voici tout de suite le son de Martin Garrix, I Own a Life. Espace, plus de son, plus de tubes. Kill the demons of my mind ever since you came around. We a river running wild. How could I have been so blind? I just live a fast life, forget about the past. I numb out to escape my fears. Friendships only pass by, show up gone like strobe lights. With you I feel something real. And I walk a million miles just to see. Fingers out of sight, how could I have let you go? Cutting corners, turning stones, but I can only see your ghost. I just live a fast life, forget about the past. I numb out to escape my fears. Friendships only pass by, show up gone like strobe lights. With you I feel something real.

Ça fait toujours plaisir hein, de ressortir un son comme ça. Laurent Wolf, Explosion à l'instant sur la plus normande des radios. Il est 18h17. Voici les soirées week-end. Bougez pas, juste après je vous mets dans l'ambiance avec The Prince Karma et Later Beach. Ça tout de suite les amis. Espace. Tout s'emboîte. Salut, prêt de nouveau à sortir en Normandie et en Picardie ce week-end avec tout d'abord le saut, c'est à Rouen, Diner, Lounge, Club et bien sûr un agenda avec les meilleurs DJ nationaux et internationaux. Voilà ce qui est proposé. Les infos, c'est sur saut-rouen.com. Le New World à Évreux est là aussi, une ambiance exclusive et branchée, un lieu idéal pour s'éclater et faire des rencontres tout en écoutant de la bonne musique. Pour danser jusqu'au petit matin ou passer une soirée décontractée entre amis, tout est possible dans le club de dance floor, de DJ, de bar. Info lenewworld.fr. Et puis on termine par Le France, c'est à Bernay, une entreprise familiale à votre disposition avec en plus des DJ de renommée régulièrement et des soirées toujours aussi inédites et originales. Et toute l'équipe vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Les infos, c'est sur les réseaux sociaux, vous tapez Le France Discothèque. Et bien sûr, ce week-end, vous allez certainement faire de belles rencontres, mais elles sont toujours protégées. Cela fait 15 ans qu'on vous le dit, et on va continuer. Le préservatif, c'est la seule solution pour éviter tout souci. Et puis bien sûr, vous le savez, mais une piqûre de rappel est toujours bonne. Ne buvez pas d'alcool si vous décidez de prendre le volant. Choisissez votre Sam. Les sons, les tubes, c'est sur Espace. Le retour. Espace. Retour des tubes. Écoutez ça. Later, bitches. big waves into motion, like how a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion.